Patiente ce qui est qu'on changé, n'a kanga monte ma ce qui a qu'on changé, c'est là y'a qui singa na kokate, et le caillon poligo est tombé.